Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans cette vidéo qui reviendra sur le film phénomène du moment Joker du réalisateur Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux figures incontournables de la sphère comics, Matt rigole déjà, ça tombe bien. Il est pratiquement l'inventeur d'internet, il est le créateur de la sélection comics, le fondateur du site lescomics.fr, il est actuellement consultant pour le salon Geek Life au Mans. Et bah c'est Matt justement qui rigole. Salut Matt, comment ça va? Salut Chris, je suis fasciné parce que dans la vraie vie tu parles normalement et dès que le rouge s'allume, tu as ton ton de YouTube. C'est incroyable, c'est ça la vie d'influenceur, c'est comme ça. Écoute. Et puis avec nous, il y a un homme qui cumule déjà plus de 10 années d'activité sur YouTube. Tu te rends compte, c'est énorme, c'est presque le Jean-Pierre Foucault de YouTube. Il est pour moi l'une des personnes les plus pertinentes quand il s'agit de parler de cinéma et je ne ris pas. Il a d'ailleurs sorti récemment une petite vidéo consacrée au film dont on va parler ce soir et je vous mettrai le lien dans la description. C'est Monsieur Valentin de la chaîne V pour Valentin. Et oui, bien le bonsoir, j'ai voulu tenter une imitation de Jean-Pierre Foucault avant de me rappeler que je savais pas le faire, donc du coup je vous dis bonsoir naturellement, salut à tous. Et bah tu as bien fait. je voulais prévenir tout le monde dès le départ, même si on va d'abord faire un petit résumé et une impression générale sur le film. Dans cette émission, on va spoiler à mort parce qu'on va débattre un peu autour du film. Donc si vous avez pas vu Joker, vous écoutez tout ça à vos risques et périls. Je voulais le signaler pour qu'il n'y ait pas de déçus, de gens qui mettent un contrat sur nos têtes parce qu'on leur a spoilé le film. Voilà, c'était important de le faire. On va commencer par un petit résumé du film. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut me résumer le film parce que j'ai la flemme de résumer le film? Vas-y Matt, je te laisse la main. je pense que le résumé du film, c'est que Joker d'abord n'est pas un film de super-héros dans le sens où on pourrait l'attendre et que c'est plutôt une sorte de drame intime et minimaliste. C'est un film social, c'est l'histoire d'un type que la société rejette et qui sombre dans le désespoir quand tout autour de lui s'écroule, tout ce qu'il prenait pour acquis en fait lui glisse entre les mains et du coup il ne tombe pas dans la folie mais dans un désespoir profond et puisqu'il n'a plus rien à perdre, et il va aller au bout de ses névroses en fait. Ah c'est joyeux, pas mal. Hein, on dirait un film kurde sur la guerre. D'accord, c'est vrai que ça fait un peu film d'auteur dramatique présenté comme ça, et est-ce que c'est pas le cas? On va peut-être en reparler tout à l'heure. Le personnage d'Arthur Fleck, qui du coup est une identité du Joker, est-ce qu'on fait peut-être un petit tour d'impression générale avant de partir dans ce débat d'identité, mais on va revenir aussi sur l'identité du Joker, parce que ça a été un débat un peu sur internet que j'ai vu passer, et je trouve que c'est une question assez intéressante parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Ça va durer au moins 3 heures. Est-ce qu'on peut teaser juste Arthur Fleck, est-ce que c'est une identité qu'on a vu passer dans les comics? À ma connaissance, de mémoire. De mémoire, non, mais peut-être non plus. Mais... Moi non plus. Bon. Voilà. De mémoire, non. Voilà. J'espère que notre mémoire ne fait pas des tours. Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas, laissez des pouces bleus. On va faire un petit tour d'impression générale, même si je sais qu'on est tous assez d'accord. Donc, ça sera le live de, comment dire, de l'amour. Voilà, un petit peu, on peut dire ça comme ça, ouais. De toute façon, c'est comme ça, tu sais, à part le copinage sur internet, rien ne marche. On peut acheter des clics visiblement sur YouTube. Il y a des systèmes qui ont l'air de. Il y a beaucoup de chaînes comiques sur YouTube qui servent de ce système-là et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Écoute, en jugé par tes statistiques quand tu faisais de la vidéo, tu devais pas le faire. Parce que, non, j'ai pas les moyens. Impression générale sur le film. Revenons-en au sujet de cette émission. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Je tape sur la table avec mon sexe. impression générale sur le Joker. Valentin, toi, quelle est ton impression sur ce film? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a laissé comme arrière-goût dans la bouche? C'était l'arrière-goût est plutôt amer, on va dire concrètement. En fait, je m'attendais. Quand les premières annonces sont tombées, j'étais assez curieux dans le sens où en fait, je ne comprenais pas du tout ce que faisait la Warner avec ses super-héros et ses personnages au cinéma. Je ne comprenais pas dans quelle direction ils allaient, s'ils laissaient complètement de côté leur DC Universe, enfin voilà. Et je m'attendais à un côté un peu marketing en mode bah tiens, on a le Joker, on peut l'utiliser, on va faire un film sur lui. Bon, ça me laissait un peu de marbre. Et puis quand il y a eu la news sur le fait qu'il y avait eu à la Nostra de Venise, si je dis pas de bêtises, une standing ovation de plusieurs minutes, je me suis dit ah oui, ok, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Enfin, ce film-là il y a peut-être quelque chose à en tirer, quoi. Et au final, je m'attendais à avoir un très bon film et j'en suis ressorti en prenant une claque monumentale. C'est C'est quelque chose d'incroyable. Alors, enfin, surtout dans le contexte des films de super-héros, quoi. C'est-à-dire que c'est un super drame psychologique, hyper bien maîtrisé de bout en bout, ça, il n'y a pas de souci. Mais de faire ça avec un personnage tiré des comics, là où on est dans une mode marvelienne très, très solaire et très, très légère, en fait, j'ai trouvé ça assez incroyable de se dire bah on va prendre le contre-pied total et on va vous montrer un truc dégueulasse et très sombre, c'est-à-dire pas réaliste comme The Dark Knight avec du réalisme mais quand même un esprit super-héroïque, mais vraiment quelque chose de très sombre et pas du tout et pleine de désespoir en fait, donc voilà, j'ai pris une assez grosse claque vis-à-vis de ça, quoi. Matt, j'avais pas du tout envie de voir le film. J'étais pas très chaud par les dernières propositions de DC. Le fait de dire, j'avais l'impression que leur univers était un peu en bordel, et le fait de dire on va commencer à faire des films sur nos personnages qui sont plus vraiment canons dans notre univers, j'avais l'impression que ça ajoutait au bordel. Du coup, j'avais pas très envie de suivre cette proposition, et ce que je voyais en bande-annonce me donnait pas plus envie que ça de voir le film. Et puis je l'ai vu dans une avant-première publique, hein, où tu payes ta place et tout ça, vendredi dernier, parce que c'est un concours de circonstances où j'étais dans le coin et j'avais rien de mieux à foutre, et donc bon, bah, je suis allé au ciné avec ma carte illimitée machin, et c'est la branlée totale en fait. C'est un film qui est hyper dur, c'est un film qui est hyper froid, c'est un film qui est très rugueux, qui est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre dans les films de super-héros. Et j'ai une petite analyse que je vous livrerai dans quelques minutes à ce propos, hein, évidemment. Ne quittez pas bientôt. Ce sera après la pub, bien sûr. Je sais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai pris une claque assez sévère avec un truc que je trouve très social et avec un truc qui pourrait se révéler dangereux, qui pourrait être une étincelle à un plus grand incendie, en fait. Suspense. À bientôt. Pour en savoir plus, retrouvez-nous dans la zone spoiler, hein, bien sûr. Ouais, bah moi je suis assez d'accord avec vous. Encore une fois, c'est dingue ça, tout. C'est vraiment c'est des gens d'accord ensemble. C'est beau. Donnons-nous la main. Ouais, effectivement. Alors moi je suis niveau hype, si tu veux, pour me mettre la hype, il faut y aller très très fort, parce que je suis un peu un blasé de la vie, on va pas se mentir, si tu veux, des adaptations, on en a quand même bouffé 150 en 20 ans, donc très clairement, quand j'étais gamin, je trouvais ça dingue de voir les X-Men au cinéma, aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, les films adaptés de comics, ou inspirés de comics, parce que je vais y venir tout à l'heure, je trouve qu'on est plus dans l'inspiration que dans l'adaptation, et ça va aussi être un des sujets qu'on va pouvoir aborder. J'y crois pas trop. Donc, quand on m'a dit un film sur le Joker, avec un autre personnage que celui qu'on a vu dans Suicide Squad, ce qui n'est pas forcément un mal, mais bon, bref, peu importe, je me suis dit, ouais, bon, ok, voilà, effectivement, ils veulent surfer sur la licence, surfer, comme disent les jeunes, sur la licence, et je me disais que ça allait aller nulle part, voilà, que c'était un film random, je m'attendais à un Suicide Squad bis, hein, pour être franc, un truc du genre, monté à la truelle et sans fond, bah, c'est tout l'inverse, parce que c'est hyper travaillé, il y a un vrai fond, effectivement, qui est énorme, et sur lequel on va pouvoir débattre pendant 4 heures, je pense. Et puis, pourtant, j'avais évité majoritairement. J'ai vu un teaser ou un trailer, je sais plus. Enfin, voilà, un petit truc comme ça. Mais j'évite en général de trop en voir, de trop en lire. Alors, j'avais vu évidemment passer cette news, ouais, sur la standing ovation, qui forcément n'a fait qu'attiser la curiosité de tout le monde, parce que tout le monde s'est dit, attends, en général, les films de super-héros, c'est pas vraiment vu comme du grand cinéma. Donc, pour que t'aies une standing ovation dans un festival de vrai cinéma, tu vois, c'est forcément que le film amène un truc. Donc, évidemment, j'étais assez curieux de le voir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été le voir ce matin. Nous sommes jeudi, il est sorti hier. Car généralement, j'attends plutôt 15 jours, 3 semaines, c'est pour être tout seul dans la salle et être peinard. Donc j'ai été le voir ce matin pour être tout seul dans la salle et être peinard, et on n'était pas beaucoup, donc ça va. Mais ouais, excellente surprise, quoi. Voilà. Je pense que c'est le mot qui reviendra, je pense, le plus par rapport à ce qu'on s'attendait, c'est la surprise, quoi. Je pense que personne n'avait anticipé qu'on allait voir sortir un film comme ça, vu la tendance qu'on avait actuellement, parce que les trucs les plus trash, si on peut dire, c'était genre Deadpool, et c'est du trash, du comico trash, tu vois, c'est pas du trash brut, froid, social. Bah, c'est du trash dans la forme, mais pas dans le fond, en fait, sauf que là, Joker met, voilà, vraiment du trash dans son propos et dans son sujet, quoi. Et on va avoir l'occasion d'en reparler aussi. On va avoir beaucoup d'occasions, hein, je pense, dans cette émission. C'est incroyable toutes les occasions qu'on va avoir, parce que on va justement revenir aussi sur la polémique un peu autour de la violence. On va reparler de ça tout à l'heure. Mais pour commencer vraiment, et là on va entrer dans la zone spoiler, donc fuyez si vous n'avez pas vu le film. Et allez voir le film. Allez voir le film. Oui, quoi qu'il arrive, n'écoutez pas les influenceurs et allez voir le film et vous ferez votre propre idée. En fait, coupez ce podcast, allez voir le film et ne revenez jamais. Je pense que c'est le mieux. on va parler justement d'adaptation et d'inspiration. Est-ce que c'est un film qui est fidèle aux comics ? Est-ce que c'est une adaptation ? Alors, moi je vais vous dire, spoiler, non, c'est pas une adaptation, puisque ça s'inspire du comics, mais ça n'adapte pas un comics existant. Et est-ce que finalement c'est important ? Est-ce qu'il faudrait vraiment que ça colle à une BD qui existe ? Ou est-ce qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut ? J'ai vu des gens se plaindre par exemple que le film donnait une origin story au Joker, c'est un truc qui m'a marqué. Ils disent non, le personnage normalement a plusieurs origines un peu diffuses, et il n'a pas d'origin story. Alors c'est pas vrai, parce qu'il y a des origin story effectivement qui sont diverses et variées et qui ont été établies au fil du temps dans les comics, mais par exemple si vous regardez le Batman de Burton, le Joker a une origin story, donc au cinéma le Joker a systématiquement, en fait ça c'est un truc qui vient du Joker de Nolan, et en fait que les gens ont qui ont découvert les super-héros avec le cinéma il y a quelques années, finalement, ont pris pour argent comptant et ont estimé que c'était en fait l'origine du story du Joker d'en avoir plusieurs. Mais à la base, c'est pas quelque chose qui était établi dans les comics. Enfin, il avait peut-être des origines pas toujours très très définies, mais par exemple, The Killing Joke a pour but de donner une origine story au Joker, et à cette époque-là, il n'était pas spécialement question de dire c'est une origine parmi tant d'autres. Enfin, c'était une version, certes, mais on n'avait pas forcément dans l'idée qu'il y en avait plusieurs. Donc, en l'occurrence, Killing Joke n'était pas canon au moment où il est sorti. Il l'est devenu, si je ne dis pas de bêtises, mais... Il l'est devenu à partir du moment où ils ont décidé d'intégrer Barbara Gordon et sa balle dans la colonne vertébrale qui la rend handicapée. Mais ouais, absolument, ce n'était pas canon avant ça, ouais. Certes, mais du coup, on peut dire que... est-ce que le film, par exemple, va devenir canon ? Non, donc du coup, tu vois, t'es dans le même genre... Enfin, si on compare l'époque, et je sais que Matt va nous en parler tout à l'heure, on est exactement dans le même genre de démarche, c'est-à-dire qu'on donne une origine à un personnage, ça peut être une origine du Joker, ça peut être une origine d'un des Jokers, puisque les gens sont très contents. Si tu fais une vidéo, waouh, les multiples Jokers, là, t'auras plein de vues, hein, n'oublie pas de faire du clic avec ça. En fait, voilà, les gens adorent ce personnage parce que c'est très flou, mais en même temps... ils adorent qu'on leur explique que c'est très flou, tu vois. Donc il y a aussi un paradoxe assez marrant là-dessus. Est-ce que pour vous, en tout cas, c'est important que ça soit fidèle ou pas ? Est-ce que vous pensez que c'est fidèle déjà ? Est-ce que ça a une importance pour vous ? Moi, je pense que c'est ce qui fait la force de ce film et de ce personnage, enfin de ce Joker là, justement. C'est que c'est pas, comme tu dis, c'est que dans mon ciné mini sur le Joker, n'est-ce pas, que j'ai sorti il y a peu de temps. Où est-ce qu'on peut voir cette vidéo, Sur ma chaîne V pour Valentin, ciné mini Joker, vous la trouverez assez facilement. Le lien sera dans la description. Le lien sera dans la description, tout à fait. Chris, tu es formidable. Mais du coup, oui, je parle de Killing Joke dedans en disant que le film s'inspire de ça pour le côté origine un peu dramatique, donner une origine vraiment triste au Joker et de le rendre humain, en fait, ce que fait le film Joker. Mais pour moi, au-delà, enfin, ça mis à part, mis de côté, effectivement, tu peux prendre n'importe quel psychopathe et le dépeindre d'une certaine manière et en faire un film tout aussi brillant, en fait. Donc je pense que l'aspect comics et l'aspect adaptation, entre gros guillemets, est un plus, mais n'est pas essentiel au film. Et donc je ne pense pas que le film soit vraiment une adaptation d'un quelconque comics, ça c'est sûr. Et après, ouais, en termes d'inspiration... il s'inspire de plein de choses, mais il s'inspire d'une âme, en fait, d'une essence, plus que d'un bouquin en particulier, quoi, pour moi. Voilà. Mais est-ce qu'à partir d'un moment où la licence n'est pas assez vieille, même les comics sont eux-mêmes des adaptations de comics ? C'est-à-dire que ce qu'on fait Grant Morrison avec Batman dans son cycle Batman est une adaptation d'un personnage qui avant avait été pris en main par Frank Miller, qui lui-même adaptait un personnage qui avant a été pris en main par Neil Adams, qui lui-même adaptait un personnage qui avant avait été créé par Bob Kane et Bill Finger. Enfin, déjà, au bout d'un moment, étant donné qu'on réadapte même dans les BD le personnage à l'époque dans laquelle il est publié, on passe notre temps à réadapter et à réinterpréter les personnages. Du coup, cette histoire de canon ou pas canon, moi je vais faire court, elle me semble pas intéressante, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est de voir un bon film ou de lire une bonne histoire. Et en l'occurrence, avec Joker, j'ai vu un bon film. Et ce qui est important, c'est qu'on a vu un bon film tout court et pas un bon film de super-héros. Souvent on dit ouais bon il a des défauts mais ça reste un bon film de super-héros, c'est un blockbuster, c'est un divertissement, tout ça. Là en l'occurrence c'est juste un bon film et qui peut même du coup combattre dans d'autres arènes, dans l'arène du cinéma général. C'est ça, le genre super-héroïque vient après en fait. C'est, pour moi c'est d'abord un thriller ou un thriller psychologique. Et ou c'est là. Un bonbon. Et Tu l'as pas pendant longtemps, et au moment où tu commences à avoir des petites pastilles et des petites injections d'univers super-héroïque avec l'inspecteur Burke, c'est ça ? J'ai oublié son nom. Oui, c'est ça. Il y a Burke et je sais plus qui, oui, mais c'est ça. Du coup, la première injection d'univers super-héroïque que tu as, c'est celle-là, et puis tu as Thomas Wayne qui arrive rapidement. C'est des petites récompenses, c'est des petits bonbons, et tu sais pas si ça va avoir une importance sur le film ou pas au moment où tu les récupères. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que le personnage arrive à exister par lui-même. Son histoire existe en tant que telle et elle n'a pas besoin d'être raccrochée à des références qui sont distillées avec intelligence, parce que si tu les saisis pas, bah, personne te met un coup de stabilo pour te dire « Là, on a parlé de Batman !» Et le fait de ne pas avoir les références, ça t'empêche pas d'apprécier le film en tant que tel. Complètement. Et alors, en plus, je tenais à rajouter une chose qui moi me marque de plus en plus, c'est qu'en fait les gens, de toute façon, les comics, ils s'en foutent. Par exemple, j'ai vu plein de reviews de la série The Boys, qui sont très regardées, hein, c'est des centaines de milliers de vues par des chaînes qui parlent de séries ou de cinéma, où les mecs ne parlent même pas une seule seconde de l'existence d'un comic The Boys. C'est-à-dire qu'ils ont raison. oui, bah oui, c'est de la merde. Et donc, ils critiquent. Il critique une série en la mettant par exemple en parallèle avec le MCU, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les super-héros peuvent être les super-héros du MCU, les super-héros de la série The Boys, et en fait tu peux être fan des super-héros. Il y a un truc qui m'a marqué, je voulais en parler aussi et ça va rejoindre ça. L'autre jour j'étais, tu vois, anecdote personnelle, à la pharmacie. Non, pas du tout. Au rayon suppositoire, j'étais dans un espace culturel chez Leclerc et je passe à côté de moi une mère de famille avec son fils, un ado, tu vois, qui dit comme ça, je vais aller voir les Marvel. Et en fait, il s'en va au rayon des DVD. Et sa mère a cette réflexion assez incroyable, en fait, qui est cette réaction de puriste, et elle lui dit, mais pourquoi t'appelles ça des Marvel? C'est des films. Tu vois? Et du coup, donc c'est pour bien rentrer dans le truc qu'il y a des gens pour qui les comics, en fait, non, il a dit les comics, voilà, ça, il a dit je vais aller voir les comics, et je sais plus trop comment on lui a sorti ça, mais en gros, il parlait de comics dans son langage, alors qu'en fait, effectivement, il allait voir les films. Ne rigole pas à cette super anecdote, s'il te plaît. Et en fait, ouais, ce truc m'a marqué parce que effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais ouvert un comics et qui pourtant sont fans de super-héros, de Marvel, de DC ou de n'importe alors. Quoi. Et il y a vraiment ce parallèle qui est marqué ici, je trouve. Soit on continue dans cette idée de personnage, d'archétype, d'adaptation et on digresse complètement. Soit on parle du film, en fait, c'est un peu comme vous voulez. Je propose qu'on parle un petit peu de cuisine. Qu'est-ce que vous mangez ? Non, pas du tout. Mais en fait, c'est tout le temps, tu vois, dans les années 90, les gens, ils regardaient le dessin animé de Batman, le dessin animé de Spider-Man, qui était la révolution parce que les décors étaient en images de synthèse, mais ils lisaient pas les comics Marvel France qui venaient d'arriver à ce moment-là. C'est la même chose, en fait. Complètement. Mais là, je pense que là, en ce moment, c'est quand même d'autant plus appuyé, je pense. Le paradoxe est d'autant plus fort, n'est-ce pas, on n'a jamais eu autant la possibilité de lire des comics et tout le monde sait. Beaucoup plus facile de savoir maintenant que des comics existent qu'à l'époque, en fait. Et pourtant, non, il y a quand même des gens qui continuent à faire l'amalgame et qui n'en ont rien à foutre, en fait. Donc, c'est plutôt. C'est intéressant de voir comment les super-héros se sont vraiment émancipés de leur médium de base, quoi. Donc, qui joue du tambour. C'est moi, pardon, excusez-moi. j'ai tapé dans mon. Non, mais je veux dire, le mec qui fait l'émission en direct de Fort Boyard. C'est bien. Il a redit ce fameux mot en faisant Troubadour à l'entrée. Surtout que ça, pas de bol, c'est ce soir. Tu pourras pas le couper au montage, ça, je suis désolé. Ce soir, il avait fanfare, le gars, il a dit bon, allez, tant pis les gars, j'enregistre en même temps. Excusez-moi. Merde, je disais un truc super profond, super intelligent en plus. Ouais, non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement ça met un petit peu en parallèle le fait que bah oui on n'est plus à l'ère des adaptations, je pense on est à l'ère où les personnages qui existent sur le papier peuvent vivre des aventures comme ça existait effectivement. Par exemple le dessin animé Batman des années 90 s'inspire de Batman mais il adapte pas au sens littéral du terme un comics Batman, et là on est vraiment je pense arrivé à ce stade là au cinéma où même s'il y a aucune c'est une inspiration lointaine mais je veux dire, il y a aucune trace d'un quelconque comics, parce que par exemple chez Marvel ils essayent encore de faire croire qu'ils ont adapté Infinity War ou Civil War ou les trucs du genre. Je pense que là justement ils se sont dit on va prendre les codes que les gens connaissent dans les comics, mais si t'as jamais ouvert un comics tu t'en fous parce que c'est une histoire totalement originale qui pourrait d'ailleurs aussi être racontée en comics, et je pense que ça fait la force du film, notamment dans le fait que par exemple les liens avec l'univers de Batman sont hyper bien construits sans jamais être lourds, parce qu'on aurait pu avoir des tas de clins d'œil super lourds. C'est jamais le cas, enfin pour moi en tout cas, même si Matt me disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être la rencontre avec Bruce Wayne t'avait semblé peut-être un petit peu forcée, mais la rencontre avec Bruce Wayne m'a semblé un peu forcée, et elle est aussi dans un contexte où on partait vers quelque chose qui, vu que le film m'avait déjà fait une très bonne impression, aurait pu être quelque chose de génial, puisqu'on est en partie full spoiler, vous avez tous vu le film. On arrive quand même dans à un moment où le fait que le Joker puisse être le demi-frère de Bruce Wayne est évoqué très sérieusement. Et puisque dans les comics, on a quand même en permanence cette idée que le Joker et Batman sont les deux faces d'une même pièce, arriver à ce parallèle-là dans le film, j'étais prêt à ce qu'on me raconte cette histoire-là. Et vu ce que Todd Phillips m'avait déjà montré dans la première heure du film, c'est une hypothèse que je trouvais culottée, audacieuse, qui me semblait pas scabreuse, où je pensais que le mec était capable de m'amener vers une bonne surprise avec un truc aussi difficile que ça. À ce moment-là du film, je me souviens m'être dit « Ok, soit tu pars sur un truc complètement génial et ça va être mortel, mais ça a aussi toutes les chances de se casser la gueule et de rendre un truc totalement nul. » Et en fait, c'est une idée de fan hyper dangereuse. La troisième voie, c'est une troisième voie qui a été choisie, vu que c'est juste pas vrai, en fait. Et c'est super bien d'amené, parce que j'ai pas douté une seule seconde, en fait. Je fais « Putain, vous partez là-dessus, trop bien, on va voir ce que ça va donner. » Mais Moi, je serais pas aussi catégorique sur le fait que c'est pas vrai. Alors déjà, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était j'aurais pu trouver ça super lourd. En vrai, il y a des tas de circonstances où j'aurais trouvé ça super lourd. Mais j'ai trouvé que c'était une putain d'idée, que c'était super bien. Je ne le voyais pas du tout venir. Et quand je l'ai vu venir, j'ai dit wow. La même dans BVS, en fait, au moment du point Martha, ils se rendent compte que c'est la même Martha. C'est la même Martha. Là, par contre, ça marchait pas, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça ouf. Et ça m'a fait un petit mindfuck, tu vois. Et en fait, les gars, je suis désolé de vous dire, mais à aucun moment on a la certitude que c'est pas vrai. Alors, parce qu'il y a quand même un moment où il a la photo de sa mère avec un petit mot de Thomas TW. Wayne dessus. Non, c'est écrit TW. Ouais, bah, c'est quoi TW? C'est un code, c'est une marque de voiture, non? Un truc comme ça. Mais en fait, c'est oui, effectivement, ça laisse planer le doute, mais. Enfin, pour moi, la réaction de Thomas Wayne dans les chiottes est tellement viscérale et tellement. Il laisse pas du tout effectivement, après ça, il te refoule le doute avec cette fameuse photo avec le surtout TW derrière. Surtout si on rajoute que le personnage a quand même des grosses allus, puisque par exemple, on le constate avec sa voisine où il est en totale hallucination, où il la voit avec elle et en fait, on se rend compte que. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont sorti à la fin du film, mais en fait, depuis le début, il se fait un film ou alors ça s'est vraiment passé? Et ça. Pareil, je ne l'ai pas du tout vu comme ça, mais il y a plusieurs, en tout cas, chez plusieurs spectateurs, ça l'a fait en mode, rien de tout ça n'est vrai, quoi. Alors, personnellement, je ne veux pas faire le mon héros, mais j'ai vu très très vite que ça ne collait pas, puisque je trouvais que la meuf est à peine intrusée dans l'ascenseur, et la fois d'après où tu la vois, il rentre chez elle, il la galoche, et pour moi, il y avait un truc qui ne collait pas, tu vois, elle est canon, il ne l'est pas, qu'il a un problème, elle a l'air beaucoup plus jeune que lui, et je trouvais que c'était vraiment je me dis, soit on oublie complètement qui est l'acteur, soit on garde à quoi il ressemble, et il y a un truc trop facile et comme un bout coupé en fait. Ça a semé le doute. Quand il fait son one man show, c'est la seule à rire et tu sens qu'elle rit sincèrement alors qu'en fait il vient juste de. C'était juste un moment super gênant et c'est vrai que c'est hyper bizarre et oui, ça on le grille. Et du coup. Le one man show, mon gars, putain, mais cette scène elle est trop. Moi j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien dans mon siège. Mais ouais, donc il y a des gens qui pensent que en fait il se fait un film depuis le début et que rien de tout ça n'est vrai. Mais ça, j'y bah cool, il y aura des vidéos théories sur mais YouTube, c'est ça c'est ce qui permet aussi d'en parler, c'est plutôt cool. Ce qui va nous amener, on parlait du côté un peu malaisant du personnage parfois, ce qui va nous amener à parler de violence. Tu sais que c'est un mot qui n'existe pas ou pas ? Tout à fait, je sais que ça n'existe pas, mais je trouve que c'est un mot qui, pour le coup, est plutôt... Est-ce que tu as un synonyme qui existe ? Vas-y. Non, malaisant, gênant. J'aime bien, j'utilise mais aussi. Mais le mot malaisant ouais. est malaisant, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser, ouais, en fait. Voilà, je trouve que la signification est... Tu vois, je suis pas trop novlangue comme gars, mais je trouve que la signification de malaisant colle plutôt bien. C'est quelque chose qui te met dans une... Tu te sens pas bien, tu vois, ça te met mal à l'aise, et t'as vraiment... une sensation un peu même de pas de dégoût mais de gêne, tu vois, tu voudrais bien tourner la tête, tu vois, et je trouve que malaisant ça marche très bien, donc je te dirais malaisant et je vous emmerde. Il y a donc une grosse polémique autour du film, hein, en termes de violence. Alors moi je voudrais dire une chose, j'ai vu des tas de films super violents depuis des années, j'ai pas trouvé le film si violent que ça en comparaison de plein de films gore, de films d'horreur ou de choses comme ça. En fait, la violence, j'ai l'impression que ce qui met surtout les gens justement mal à l'aise, bah c'est ce côté, c'est une violence malaisante plutôt que gore finalement. C'est la violence sociale. Quoi. Elle est psychologique. Voilà. Parce qu'en fait, elle est hyper réaliste et il y a pas d'artifice justement comme dans un film d'horreur où ça va vraiment gicler dans des proportions extraordinaires, tu vois, ou des trucs où tu te rends compte qu'effectivement c'est pas réaliste, où il y a une mise en scène tellement énorme derrière avec des hurlements, des choses comme ça. Là c'est très froid, tu vois, c'est une violence qui est brute, il y a pas de, c'est une violence de la vie de tous les jours, c'est-à-dire quand il est roué de coups par terre, ça prend pas des proportions dingues, il se fait juste latter comme une victime, quoi, et pourtant il y a pas de, tu vois, on n'est pas dans l'horreur, on est dans la violence malheureusement du quotidien, tu vois, qui existe tous les jours en fait. Et ce qui est outrageant en fait avec dans cette séquence, c'est tout le côté injuste de tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est un pauvre gars qui a pas de thune, qui se fait emmerder par des gamins qui vont finir par lui mettre un coup de pancarte, casser sa pancarte et le tabasser. Du coup, il retourne pas au boulot. Du coup, on lui dit bah aujourd'hui t'es pas payé, alors qu'on vient de voir qu'il avait plus de quoi s'acheter à bouffer. Et en plus, il faut maintenant qu'il aille t'as pété la pancarte, donc il faut que tu la rembourses au gars. Et donc on t'a sucré les dernières thunes que t'avais, t'as pas de quoi t'acheter à manger. Et en fait, l'argent que tu vas trouver, il doit servir à payer la pancarte d'un mec qui vient de te faire virer. Et en fait, tout, et t'es tellement dans un truc, en fait c'est si ça t'arrivait dans la vraie vie, tu pourrais rien faire, et là c'est dans un film, et en fait on n'a pas l'habitude que tu sois livré à comme ça un truc où voilà, c'est juste injuste et tu peux rien faire, et c'est comme ça, et voilà. Peut-être, et parce que en fait c'est ce côté on est hyper brut en fait. Par exemple, les films Marvel nous ont habitués, notamment avec Endgame, on en avait parlé, au Deus Ex Machina permanent. C'est-à-dire que même dans des situations cosmiques, il y a toujours un truc qui vient les sauver. Et là, le mec est juste dans la merde comme n'importe qui, et il y a rien qui vient le sauver, tu vois. Et donc, effectivement, ça, c'est un truc. Finalement, au cinéma, ça, à part dans les drames sociaux français, tu sais, où les couples s'engueulent dans leur cuisine, en fait, c'est un truc qu'on voit jamais dans le cinéma grand public de divertissement, de super-héros, etc. Et du coup, la polémique, bah, on parlait du fait qu'il soit victimisé, que ça donne un peu pitié du personnage, malgré que derrière, il devienne effectivement. Alors au début, en fait, on a du mal à savoir. On sait qu'il a été interné, mais on sait pas trop pourquoi. Au début, on peut dire qu'effectivement c'est un gars perturbé, mais on sait pas si c'est vraiment un criminel ou quelqu'un de dangereux, tu vois. Il y a plein de trucs en fait. Tu sens son côté victime. Déjà, il est fascinant parce que tu comprends très vite qu'il a une maladie qui fait qu'il rit et que lui, il voudrait être comédien comique, et qu'en fait, ce qui nuit à son intégration, ce qui l'empêche d'exister dans le monde, c'est le rire. C'est-à-dire que ce qu'il raccroche au monde, ce qu'il a envie d'être, une incarnation du rire, c'est ce qui lui pourrit la vie à lui. Et ça, c'est quand même fascinant, quoi. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais tu viens de dire un truc super intéressant, donc c'est déjà pas mal. Et donc on parlait du fait qu'il soit victimisé, et donc il y a des gens qui reprochaient ça au film, en fait, qu'on, à force de prendre de l'empathie pour le personnage, qu'on se dise bah finalement tous les mecs qui deviennent tueurs en série, on va en reparler un peu après peut-être dans l'aspect social, mais comme si tous les mecs qui devenaient tueurs en série, il fallait leur trouver une excuse. Je pense que le film ne cherche pas d'excuses à ses comportements par la suite, mais il nous met aussi face à une réalité sociale et une réalité aussi politique quand même assez forte, et ça peu importe où on soit dans le monde, parce que c'est des situations qui existent dans plein de pays en ce moment. Et moi je pense que le film en tout cas ne cherche pas d'excuses aux gens qui ont des comportements violents, enfin qu'on soit quand même d'accord, je pense pas que ça soit c'est pas parce que le gars a une vie de merde que derrière tu comprends qu'il décide de tuer des gens gratuitement par exemple, tu vois. Non, parce que c'est assez abominable en fait comment c'est montré, justement tout bah ces meurtres et puis les passages où il pète des plombs et tout, donc c'est pas c'est... c'est pas, non, ça n'approuve pas un message comme ça en fait, et c'est suffisamment crado, et c'est à toi de te dire, vu que c'est de toute manière c'est un film qui n'est pas pour les enfants, c'est à toi de te dire que bah non, c'est clairement pas bien ce qu'il fait, et que bah ça se fait pas, c'est la morale quoi, c'est le, donc enfin non mais tu vois, non mais parce que effectivement il y a tous ceux qui gueulent en mode ah regardez, ça approuve le meurtre et tout, ça l'encourage, mais calmez-vous, t'es adulte, tu sais bien que c'est pas bien, donc du coup à partir de là bah laisse le film te montrer ce qu'il a envie de montrer, quoi. Donc bon. Alors permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous sur un mot. Je n'ai pas souvenir qu'il tue quelqu'un gratuitement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a tué quelqu'un, c'était en représailles à quelque chose. Oui, non, mais enfin, oui. Bon, alors c'est jamais gratuit. Reste le même. C'est pas parce que tu veux te venger de quelqu'un qu'il faut le buter. C'est voilà. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Oui. Alors oui et non, parce que par exemple à la fin, on nous fait largement comprendre qu'il a tué la psychologue qui était face à lui. Oui, et ça, par exemple, il y avait pas vraiment de raison, tu vois. Quand il part, il a les pieds, il laisse des traces de sang derrière lui. On peut supposer qu'il a tué la nana. Je veux dire, ça par exemple, c'est gratuit. Après, ouais, je suis d'accord qu'il a fini tout son parcours. Oui, oui, oui, non, c'est là que le premier meurtre, c'est des représailles. Le deuxième meurtre, c'est le mec qui l'a fait virer. Ouais. Et il laisse partir l'autre mec sans rien lui faire. Et dans cette scène de malaise complet où le mec peut pas ouvrir la porte et où tu ne sais pas ce qui va se passer. Moi j'ai cru qu'il allait buter en vrai, et c'est ça qui est mortel en fait. C'est que bah après je sais pas si c'était que moi, mais pour le coup j'ai trouvé ça vachement bien de pas savoir, de se dire est-ce qu'il a vraiment vrillé en mode il va buter tout le monde, ou est-ce qu'il lui reste un semblant de morale entre gros guillemets, et que il le laisse partir parce qu'il lui a rien fait, quoi. Et effectivement il le laisse partir. En fait, c'est ça, c'est un mec qui finit par s'en prendre à une société qui, depuis le début, veut pas de lui. Et il garde un semblant de moralité parce qu'il est rattaché à des codes sociaux, à sa mère qui veut pas décevoir et des trucs comme ça. Mais à partir du moment où son monde s'écroule, où il a plus de thunes, plus de boulot, où son rêve secret de devenir comédien s'écroule, où même son idole, le mec de la télé, ouais, c'est ça, l'invite pour se foutre de sa gueule. C'est le dernier truc. Le mec en a fait juste plus rien qu'il raccroche à la réalité. Parce qu'au moment où il bute pas la personne de petite taille, il a encore l'espoir de faire un carton. Enfin, on peut dire nain. Non, mais c'est bien. Je sais pas. Oui, moi je dis nain, mais après voilà. Toi-même qui est. Alors, oui, moi-même qui écoute, suis pas loin. Donc. Alors moi, j'avais une petite théorie. Enfin, une petite théorie. Ce que je retiens, c'est l'instant théorie. Ouais, l'instant. Tintin, quelqu'un peut faire un jingle? Instant théorie. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon. En fait, on est sur un film qui est incroyablement réaliste, parce que c'est un truc qu'on constate tous dans la vie de tous les jours. En fait, le système dans lequel on vit, c'est pas la société, hein, c'est carrément le système, le fonctionnement, voilà, avec les réseaux sociaux, avec le système scolaire, le système éducatif, le système à tous les niveaux. Et ben, il ne veut pas de toi. Il ne veut. Bah, effectivement, il y a des gens en fait, qui sont. Il y a des individus qui sont en manque d'attention et de reconnaissance, et en fait le système ne leur donne jamais d'attention ni de reconnaissance. Si, pas sur le forum 1218 de jeuxvideo.com, non? Alors justement, on va y venir. En fait, quand le système médiatique ou politique, etc., leur donne de la reconnaissance, bah, c'est souvent en fait que c'est déjà trop tard. Tu vois, c'est genre le gamin dont personne s'occupait, et les médias, ils vont se passionner pour lui une fois qu'il a tué tout le monde dans son lycée. Ou alors le mec de banlieue à qui on n'a jamais rien proposé dans la vie comme activité ou comme débouché, et les médias vont s'intéresser à lui quand il s'est radicalisé. En gros, le film, tu vois... pour moi, il y a un vrai message derrière. C'est genre, si on change pas la façon en fait dont on se comporte les uns envers les autres, c'est un peu idyllique hein, comme histoire, mais et ben en fait, plus ça va aller et plus on va aller vers des individus qui auront des comportements extrêmes par manque de reconnaissance et d'attention. Alors ça les excuse pas, tu vois, mais je pense qu'il y a vraiment cet aspect. En fait, d'un point de vue médiatique et politique, t'existes pas si t'es pas extrême aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas sur Twitter, les mecs en tendance, c'est des gens qui sont dans l'extrémisme, ouais, d'un côté ou de l'autre. Tu vois, il y a pas de, moi je prends pas de parti. Je vais pas dire ah c'est les fachos, c'est pas bien. Et puis les écologistes extrémistes qui vont faire des actions violentes ou des choses comme ça. Tu vois, c'est il y a pas de différence. À partir du moment où tu tombes dans la violence ou dans les propos haineux, quelle que soit ta motivation, que tu sois d'extrême gauche, d'extrême droite, de ce que tu veux, j'en sais rien. Enfin, d'ailleurs, les gens en général ne se revendiquent pas de ces courants-là. En fait, ils vont te dire que leurs idées sont pas d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême je ne sais quoi. Mais en fait, tant que tu t'es pas dans le choc, tu vois, on est dans la culture du choc. Tant que tu choques pas les gens, eh ben, t'existes pas. Et je pense que si on change pas notre façon, c'est un mettre un petit peu plus de bienveillance peut-être dans le fait de s'intéresser, tu vois, bah la preuve en est, il fait son spectacle, tout le monde se fout de sa gueule, et ben peut-être que des fois tu trouves qu'un mec fait un truc de merde, c'est un fait, mais et ben peut-être qu'être bienveillant avec lui, ça va l'aider à pourquoi pas se construire et à devenir un peu meilleur, alors que si tu l'enfonces et que tu lui tapes l'affiche devant tout le monde à le pourrir, Et bah tu vas l'emmener vers un comportement extrême parce que le gars n'aura plus que ça pour exister puisque tout ce qu'il a essayé de faire avant tu l'as démonté, tu vois. Et le vrai message du film pour moi il est là, il est pas dans le fait d'excuser les sociopathes et les gens qui commettent des tueries de masse, ni dans le fait d'encourager évidemment à pendre les riches ou je ne sais quoi. Même si chacun verra peut-être ce message-là, enfin un ou l'autre message, j'en sais rien. Mais pour moi, ouais, le vrai message, il est là, quoi. Et d'ailleurs, il le dit à un moment, il le dit. Pourquoi les gens peuvent pas être gentils, quoi, tu vois? Pourquoi les gens sont si méchants les uns envers les autres? Et le nœud du truc, il est là. Et ça, je l'ai pas beaucoup entendu. C'est ce que je disais tout à l'heure à Matt. J'ai entendu plein de gens me dire oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, il y a un effet d'écho. Comme tout le monde a dit que c'était un chef-d'œuvre, oula, faut pas que je me mouille, faut pas que j'essaye d'expliquer pourquoi. Je vais juste dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais personne n'a essayé vraiment d'expliquer le pourquoi. Et le vrai truc, c'est qu'il a un vrai message. Alors Valentin, je sais qu'il l'a vu comme un film super négatif, mais et fataliste et vraiment voilà, qui annonce un futur assez noir. Et moi, même si je le vois comme ça, mais je vois déjà le monde un peu comme ça, je crois. j'ai vu aussi la volonté du film de dire aux gens, bah peut-être qu'avant que ça dégénère complètement, les gars, il va être temps aussi de changer la façon dont vous vous comportez les uns avec les autres, même à petite échelle, même quand vous vous croisez dans le métro, même quand vous allez acheter votre baguette. Enfin, parce que chaque petit truc, tu vois, tu vas acheter une baguette, t'es désagréable avec ton boulanger, et ben au bout de 100 mecs désagréables, peut-être que le gars il va rentrer derrière, il va mettre une tarte à sa femme, tu vois, s'il aurait pas fait, si t'avais dit bonjour, tu vois. Surtout le mec a vu 100 mecs désagréables, toi tu rentres, t'es de bonne humeur, il t'envoie chier. Pas forcément contre toi. Il faut pas que la fois d'après tu sois désagréable toi aussi avec lui parce qu'une fois il t'a envoyé chier, quoi. Complètement. Mais en fait c'est un truc ultra basique de la vie de tous les jours. Mais comme aujourd'hui on est dans la société de la réaction immédiate, du choc et du comportement extrême pour avoir de l'attention et de la reconnaissance aussi de la part de gens qui vont partager tes idées extrêmes, on peut dire, si on peut dire. Et ben en fait il y a pas le bon sens de se dire bah peut-être que ouais des fois t'es de mauvaise humeur, des fois tu fais un truc nul, mais bah c'est pas pour ça qu'il faut systématiquement enfoncer les gens et rentrer en conflit. Et je pense que le fond du film, il est aussi là-dedans, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai vu. Légère digression, mais du coup, je pense pas que le film soit prophétique. Moi, je pense que c'est un constat du présent, en fait, que Todd Phillips a voulu faire en mode, bah, on est déjà là-dedans, en fait. On est déjà dans un truc où. Ah ouais, voilà. Complètement. Mais toi, comme moi, on est amené à côtoyer des gens dans notre activité professionnelle. Je pense pas que comment dire. Je suis complètement d'accord sur le fait que effectivement t'as 10 connards qui viennent dans la journée t'insulter ou te dire que tu fais de la merde. Ça te rend pas très jouasse. Par contre, la personne qui arrive tout sourire derrière, même si je suis vénère, je vais, enfin moi à titre personnel, je vais pas l'insulter parce que les 10 connards m'ont traité comme de la merde juste avant. Et tout ça pour dire que attendez, je vais retrouver le fil, hop. Attendez. Tout ça pour dire que voilà, j'ai une vision beaucoup plus optimiste que le film lui-même, où c'est une sorte de conte noir, en fait, en mode si vous vous comportez comme des sauvages, voilà ce qui va se passer. Je suis d'accord dans le sens du message. Après, c'est pas pour autant que ça se passe dans la vie de tous les jours, parce que le monde aurait cramé depuis bien longtemps, quoi. Oui, non, on est complètement d'accord. Et je te rejoins aussi sur l'idée qu'effectivement, je pense que le fait d'être négatif n'entraîne pas la négativité en chaîne. Il y a heureusement des gens d'ailleurs qui brisent un petit peu cette chaîne de négativité, voilà, de temps en temps. Ça joue, c'est sûr. Et c'est là où le message est bien, et je te rejoins totalement. C'est que, effectivement, quand on t'insulte, bah, tu vas pas le prendre bien. Mais voilà, il faut toute proportion garder d'une manière générale. Ce qui est rigolo, c'est qu'on parle ensemble depuis près de 40 minutes et qu'en fait, on parle beaucoup de société et très peu du film. Société. Mais non, mais enfin, c'est pas un gros mot société. On peut parler du fait de vivre les uns avec les autres, quoi. Moi, il y a énormément. Je suis comme Chris, assez pessimiste sur la notion de vivre ensemble et sur le fait qu'on n'arrive plus à se supporter les uns les autres et que tout le monde en a plus rien à foutre de son voisin. Et du coup, en fait, j'ai vu passer des trucs vite fait juste avant d'aller voir le film sur le fait que Todd Phillips était beaucoup ramené à la violence en interview. Et c'est pareil, c'est la première fois que je vais au cinéma et que je l'ai vu donc vendredi soir, donc en avant-première, 4 jours avant la sortie du film. C'est la première fois qu'il y avait une fouille, ouverture de sac et fouille complète des gens avant. Avec une lampe torche. Ouais. Et on a vu passer des directives de l'armée américaine sur comment réagir en cas d'attaque pendant le film Joker ou un truc comme ça, mais c'était hyper précis sur le film Joker. Alors j'ai plus tous les détails, vous les trouverez sur Facebook si vous cherchez un peu, mais Il y a pas mal de trucs autour de la violence du film qui sont sortis, et je trouvais que vraiment, genre, on en faisait. Enfin, pourquoi tu t'attaques à ce film-là et tout. Et en fait, je pense que si le film engendre un mouvement, il représente comme une étincelle de haine sociale, et ça peut être genre d'étincelle qui met le feu au poutre. Il y a plein de trucs qui me renvoient au quotidien, à ce qu'on vit depuis un an en France, par exemple. Enfin, tu vois, ce serait pas, enfin, pour faire hyper court, caricatural, et qui représente pas tout à fait ce que je veux dire, tu pourrais remplacer les masques de clowns de tous ces gens-là par des gilets jaunes, et t'aurais une vision un peu plus réaliste de ce qu'on vit en France. Enfin, par exemple, tu vois, il manque pas grand-chose pour que la situation elle pète complètement. C'est-à-dire que globalement, tu peux prendre à peu près tout dans la société, et il y a juste rien qui va. Ta paye, elle va pas. L'égalité homme-femme, ça va pas. L'égalité entre les homos et les hétéros, ça va pas. L'acceptation de la différence, ça va pas. La place de l'étranger, ça va pas. Ton salaire, ça va pas. Ton patron te fait chier, ça va pas. Sur la route, ça va pas. Les impôts, ça va pas. La politique, ça va pas. Il y a les médias, ça va pas. Il y a juste rien qui va. Tu peux prendre n'importe quel bout du truc, il y a juste rien qui va. Et en fait, aujourd'hui, je trouve ça très bien. On est trop heureux pour faire une révolution. Et parce qu'on sait que ça va être sanglant et que bon, bah moi j'aime pas trop avoir des blessures. Donc personne y va. Mais on est quand même dans une situation où il me semble, et peut-être que je suis trop pessimiste, ça n'engage que moi, il me semble qu'on est dans une situation qui est très très borderline et il ne faut que quelques petites étincelles pour que ça pète globalement. Ouais, je pense pas que ça vienne par le cinéma, moi. Mais Mais tu vois, enfin, malgré tout, le cinéma est une forme de culture qui dit des trucs sur nous et sur notre société. Et je trouve que la réalité qui est dépeinte dans ce film est une réalité que je trouve assez proche de la nôtre. Et je me demande si il n'y a pas aussi autour de nous plein de gens qui se sentent complètement exclus par cette société-là et qui sont capables de se trouver un leader qui leur ressemble un petit peu et de faire des trucs pour ce leader-là. C'est ce qu'on voit à la fin du film Joker, c'est ce qu'on entend parfois dans des histoires de radicalisation de gens qui finalement étaient tout seuls et mal intégrés et ce genre de trucs. Et je sais pas, moi ça me renvoie quand même à une image de nous-mêmes que je trouve assez inquiétant. C'est ça, en fait, je pense que le film, comme la plupart, enfin, comme tous les films, en fait, c'est une conséquence plus qu'une cause, en fait, c'est un reflet de ce qui se passe actuellement, mais je suis pas certain que ce soit. Que ça va amorcer quelque chose, ou en tout cas pas. Peut-être inconsciemment, ça c'est possible. C'est pas ce que je dis, hein. Je suis pas en train de dire on va vivre une révolution dans 6 mois parce que le film non, est sorti. Non, mais tu parlais d'étincelles, tu vois, c'est. Je dis juste, je comprends que la violence sociale du truc soit un peu touchy et que du coup il y ait des. Enfin, ce soit un sujet compliqué. Par contre, quoi. Je comprends. Ouais, effectivement, je comprends que le film puisse poser question, et je suis ravi qu'il pose question parce que ça veut bien dire qu'il y a un souci, quoi. Donc, rien que pour ça, c'est génial, en fait. Enfin, heureusement que. Je suis assez d'accord avec Valentin. Je pense qu'effectivement, le film, il est pas prophétique dans le sens où, effectivement, c'est le reflet peut-être d'un avenir possible, d'une situation. Donc, personne n'est d'accord avec moi. C'est une situation. Non. Concrètement, on est assez d'accord. Très bien. On joue sur les mots. Je pense que c'est le reflet d'une situation qui est quasi réelle, pour être franc. Je pense que la situation du film, elle me paraît pas, franchement, c'est pas une fiction, c'est pas de la science-fiction, par exemple. La vie de ce mec-là, ce qu'on voit dans le film, c'est probable. Il n'y a rien qui empêche que ce soit. On est dans une fiction sociale qui est tout à fait probable. Le seul truc, c'est que pour moi, le film, il est pas, il appelle pas à ce que ça se réalise, tu vois. Pour moi, il appelle à justement qu'on fasse en sorte que ça ne se réalise pas. Mais après, c'est ma vision à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui le verront comme un. Si tu le regardes avec un premier degré très très net, tu te dis ce mec-là, c'est le gars qu'il nous faut pour faire bouger les choses. Et alors, tu peux le voir comme ça, tu vois. Je le vois au contraire comme un film qui est une menace pour nous et qui est au contraire réagissez car ça peut arriver. En fait. Oui, complètement. Mais alors, du coup, alors, changer parce que ça peut arriver. Changer. Je vais pas m'en aller trop vite vers ma conclusion, mais c'est tout à fait l'essence du film, c'est que selon qui tu es, tu ne le verras pas. Par exemple, si t'es quelqu'un de financièrement plutôt très très aisé, c'est sûr que tout le passage en mode, enfin, tuer les riches, je sais plus comment il met, c'est pas pender les riches, mais c'est un peu dans ce genre-là. Si tu le vois au premier degré, tu trouves pas que c'est un film super divertissant, tu vois. Enfin, d'ailleurs, de base, c'est peut-être pas. Enfin, c'est un film divertissant dans le bon c'est sens du terme, mais je veux dire, c'est. Oui, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas un film qui te fait dire wouh, j'espère que ça va arriver. Tu vois. Ça veut dire quoi, cathartique? Qui te met dans un état de catharsis. Ouais, exactement. Merci. Disons que ça te comment dire, ça, tu vois, ça te met un peu en état d'introspection. Tu rentres dedans et il y a quelque chose qui te ça choque, qui te fascine. Ça quoi, choque voilà. Dans le bon sens, en fait. Ça te met face mais à tes propres démons. Moi, je suis pas dans la situation du personnage, c'est-à-dire que mentalement, je sais pas, ce sera à vous de me dire, mais en tout cas, financièrement, ça va. C'est la YouTube monnaie, ça, c'est la YouTube monnaie. Mais ouais, enfin, ça m'a parlé, quoi. Enfin, ça m'a vachement touché, quoi. Ça m'a catharsisé. Du coup, Matt, tu parlais justement des médias tout à l'heure. Est-ce que tu penses que, par exemple, justement, tu vois, en matière d'étincelles, des médias qui donc passent leur temps à traiter de radicalisation, de crise, de gilets jaunes, de conflits sociaux, etc., en fait, ils se mordent pas un peu la queue en faisant la promo d'un film qui met en exergue tout ça et qui va justement, montrer les travers de notre société de façon très crue, en les exagérant peut-être parfois un petit peu. Mais il y a aussi un gros point de critique sur les médias, quoi. Je veux dire, tout le show avec De Niro, etc. C'est une super scène, c'est une super idée. Mais on est en plein dedans. Enfin, je veux dire, inviter un mec pour se foutre de sa gueule, c'est devenu le standard. Les mecs qui font le buzz à la télé sont pas des gens qui viennent parler, de comment ils vont soigner le cancer ou comment ils vont régler le problème de la faim dans le monde. C'est des mecs qui sont passés pour des cons dans Les Marseillais à perpète et qui sont starifiés, alors qu'on devrait starifier des pompiers ou des chercheurs qui guérissent les gens du sida, tu vois. Juste, De Niro est quand même beaucoup plus classe. Il a dit ouais, maths. Non, juste il a parenthèse. Dit non. De Niro est plus classe qu'Hanouna. C'est juste ça que je voulais préciser. Vas-y. Ah oui, y a pas de mal. Y a pas de mal. Non, alors encore une fois, moi j'aurais pas mis Les Marseillais, tu vois, la scène avec De Niro, pour moi c'est exactement BFM. Et c'est où oui, c'était un exemple, ou Oui Télé, ouais. Ou ce que tu veux, enfin, c'est typiquement la chaîne d'info en continu qui va faire venir un expert et qui va le confronter à ses éditorialistes qui vont le défoncer et se foutre de sa gueule. Enfin, c'est comme pour pas redire gilets jaunes, on va parler de l'incendie de Rouen, où t'as un expert chimiste qui est invité, alors c'est CNews ou BFM, je ne sais plus, pour expliquer que les retombées chimiques sont probablement un peu plus dangereuses que ce qu'on voudrait bien nous dire, et que finalement, en fait, machin, et le mec est en duplex, donc il a pas la... quand t'es en duplex, du coup t'es pas sur le plateau de télé avec les gens. Je te coupe un instant pour te dire, moi j'habite pas loin de Rouen et je te jure, je suis en train de me gratter les couilles avec mon troisième bras, c'est bien pratique. franchement, c'est pas mal, quoi. Donc, quand t'es en duplex à la télé, c'est con, mais t'es pas en plateau. Et quand t'es en plateau avec quelqu'un, tu peux t'engueuler. Là, par exemple, Chris et moi, on n'est pas dans la même pièce. Si je dis des choses qui le dérangent, il peut couper mon micro. Il a la possibilité de le faire. C'est lui qui a la main sur ce qu'on va se dire et ce qu'on va entendre. Et la télé, c'est pareil. Et du coup, quand un mec dit des choses, si ça t'intéresse pas, tu peux le couper. Et là, en l'occurrence, le scientifique est en duplex. Il commence à expliquer que selon lui, peut-être c'est pas si safe que ça, ce qui se passe à Rouen, et que d'après ce qu'on sait sur les produits, tout ça, et le mec explique son truc, et genre il est chimiste, tu vois. puis pour faire bien, il a une blouse. Et en fait, y a un député de La République En Marche qui est sur le plateau et qui, en vociférant, explique que non, mais de toute façon, c'est des conneries, que de toute façon, on peut pas dire ça, et que de toute façon. Et en fait, c'est ça, en fait. On a un spécialiste qui est là pour servir de starter à un mec qui est en plateau et qui va faire son show. Tout ça pour dire que ce qui se passe dans la scène avec De Niro, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le mec, on a récupéré des vidéos d'un type qui faisait un bide complet sur une scène de one man show, et les gens se sont tellement foutus de sa gueule qu'on a fini par l'inviter en plateau en mode dîner de con pour se foutre de sa gueule aussi en vrai. Et c'est ça, en fait, c'est cette espèce de caste. Je suis pas en mode les merdias, tout ça, mais j'ai quand même un problème avec les éditorialistes globalement, qui ont beaucoup de bouche pour pas grand chose, il me semble. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à ça et d'avoir un mec de la plèbe qu'on va faire venir à la télé, donc les médias qui sont importants, ils ont des bons costumes et tout ça, pour simplement se foutre de sa gueule, quoi. Et le moment où le truc tourne mal, c'est le moment où, en fait, le mec se rebelle et où, en fait, d'un seul coup, il leur dit « Je ne suis pas que le comique dont vous avez envie de vous moquer. Je suis aussi le tueur que toutes les télés recherchent depuis 15 jours. Et il va falloir maintenant me prendre au sérieux parce que j'ai fait des choses importantes, des choses dont vous parlez depuis 15 jours. Et je peux maintenant vous le prouver. » Et il le refait. Et il y a une façon, à la fois avec le personnage de De Niro, de tuer le père littéralement et de s'émanciper complètement de cette figure du mec auquel il avait envie de ressembler. Et à côté de ça, il y a une façon de dire à une sorte de caste médiatique supérieure, c'est pas les bons mots mais vous corrigerez, de dire à une sorte de caste médiatique que nous aussi on peut leur chier à la gueule si on a envie. Et voilà, c'est ce truc là C'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus, enfin c'est pas que les Marseillais, tu vois, ou les Marseillais en l'occurrence, c'est des gens qui vont ensemble faire la chouille et qui après bah tu juges ce qu'ils racontent comme étant sérieux ou pas, mais il y a un vrai, dans cette scène là il y a un vrai affrontement social entre deux pans de la société, t'as vu, qui se comprennent pas en fait. Ouais, non, mais on est d'accord sur le contraste. En fait, tu vois, c'est un peu l'idée de. Aujourd'hui, on est quand même un peu dans de l'info divertissement. C'est-à-dire que les mecs créent un peu leur propre sujet quand il y a rien à dire. Ils vont inviter un gars random et le faire parler d'écologie pour lui dire qu'en fait, bah non, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Mais ils l'ont invité, tu vois. Je veux dire, bah à ce moment-là, fallait pas l'inviter. Fallait juste dire ce que t'avais à dire. Tu vois, on est effectivement dans ce système-là. Ouais, je pense que il y a clairement cette idée-là derrière. Hein. Mais il faudrait pas que, par exemple, sur les plateaux, on se fout de la gueule de Greta Thunberg, elle commence à vaporiser des pesticides directement sur le plateau. Là, ça ferait moins rire les gens, tu vois. Bon, on va reparler du film, on va quitter un peu le domaine social. Matt, je sais que tu as envie de faire ce parallèle depuis maintenant 45 minutes à peu près. Hein, donc, j'ai envie de le faire depuis une semaine, on en a parlé dès vendredi soir. Est-ce que pour vous, mais Valentin, tu peux partir. Est-ce que pour toi... À bientôt, bonne soirée, salut. Allez, merci Valentin. J'ai un petit segment, puis après je te laisse la parole pendant un bout de temps. Est-ce que pour vous, ça représente un tournant pour le cinéma de super-héros à l'heure où, par exemple, une série comme The Boys a été encensée, à l'heure où Watchmen va débarquer sur HBO avec une version visiblement pas mal relue. Est-ce que, par exemple, pour toi, Matt, c'est vraiment... ça a marqué d'une pierre blanche, tu vois, la sortie de Joker. Ah bah dis donc Chris, ça tombe bien que vous me posiez cette question. Ceci n'était pas du tout préparé. Alors, j'ai une impression par rapport au film. Et pour le coup, je suis assez curieux qu'on en puisse en discuter dans les commentaires. J'ai l'impression que le cinéma de super-héros, dans son ensemble, est en train de vivre la même mutation que les comics de super-héros. Je m'explique. On a eu une sorte de Golden Age où on faisait des histoires dans les comics, où on inventait des personnages, on faisait des trucs, c'était bricolé, c'était pas forcément cohérent, il n'y avait pas d'histoire d'univers, puis des fois c'était sympa, puis des fois c'était quand même un peu pourri. Et en fait, c'est ce qu'on a vécu aussi avec le cinéma. On a des films, le Spider-Man de 79, c'est ça ? Il y a un Nick Fury avec David Hasselhoff que je vous conseille. Il y a un Punisher avec Dolph Lundgren. Il y a un Captain America de 94 qui est tout à fait remarquable. Et puis, on arrive doucement à des films comme Blade qui commencent à amorcer un changement qui va être le Silver Age où du coup, il y a une sorte de cohérence qui se crée dans les comics entre les histoires. On va pouvoir voir des crossovers, on va avoir des alliances, on va avoir des personnages qui quittent une équipe pour en fonder une autre. On va avoir la création de... certains X-Men vont partir pour fonder X-Factor ou des choses comme ça. Et c'est ce qui se passe aussi au cinéma. On arrive dans le Silver Age du cinéma avec la sortie de... Ça commence à être amorcé avec X-Men et avec Spider-Man qui créent leurs univers, mais surtout avec Iron Man qui installe des univers partagés et des personnages qui vont passer d'un film à l'autre, que ce soit dans le DCU ou dans le MCU pour les spécialistes. Et naturellement, avec les comics, on a eu une nouvelle mutation qui est l'arrivée de titres comme Watchmen, comme Dark Knight, et qui sont l'arrivée du... C'est quoi, le Dark Age, c'est ça ? J'ai tendance à appeler ça comme ça. Et encore avant ça, on peut quand même citer l'âge de bronze, hein, version cinéma, avec par exemple Black Panther ou Captain Marvel, qui sont comme dans l'âge de bronze des comics, la mise en avant des minorités, des problèmes sociaux, la représentation des femmes, des Afro-Américains, etc. Enfin, ça te fait un Bronze Age très très court. Oui, du coup, on est passé vraiment, enfin, je trouve que l'accélération dernièrement, mais après aussi parce qu'il y a 5, 6, 7, 8 films qui sortent chaque année, tu vois. Donc forcément, l'accélération était, quand t'as Iron Man, t'as un film par an, et là, dernièrement, des films Marvel, t'en as 3 par an. Donc forcément, le rythme s'est accéléré aussi, je pense. Et donc, pour moi, on est dans cette période temporelle. Là, pour moi, les films sont dans la même mutation que celle des comics en 84, 86, avec, du coup, s'il fallait faire des comparaisons un peu, là en fait on tient notre Watchmen qui va vraiment changer la perception qu'on peut avoir, où d'un seul coup les films adaptés de comics, c'est, et de comics de super-héros en particulier, c'est pas que pour rigoler, et on peut avoir des trucs hyper adultes et on peut avoir des trucs hyper durs. On va, de la même façon qu'on a eu des Killing Joke qui étaient hyper durs en comics, on va avoir des films hyper durs. Les gars, vous me parlez, quand je vous raconte cette histoire, vous me dites oui, puis Logan a rendu les films un peu plus sérieux avant. Je trouve que Logan est quelque chose dans la mutation, mais que ça reste pas encore un truc aussi dur que ce qu'on a pu avoir dans le moderne, dans le Dark Age. Pour moi, tu vois, par exemple, Birdman, c'est un peu le miracle. Bah, le film Birdman, c'est un peu le comics Miracle Man, où c'est déjà du Alan Moore, c'est déjà hyper pointu, hyper intelligent, mais ça reste difficile à comprendre. C'est pas une grosse claque, une grosse tannée. Alors je sais pas. Et du coup, à vous de me dire, est-ce que Joker, c'est le Dark Knight Returns ou c'est le Watchmen de l'ère cinématographique? Et du coup, bah quel est le comics et le film qu'on peut lui associer pour faire cette période-là? Enfin, pour moi, on s'est pris une grande claque dans la tronche en disant fini de rire. Les adaptations de comics, c'est pas que pour les gamins et on peut faire des trucs hyper durs et hyper sérieux avec, de la même façon que bah, Frank Miller et Alan Moore ont engendré cette révolution dans les comics au milieu des années 80. Oui. Non, moi je pense que c'est un peu tôt encore pour savoir. Déjà, je pense que c'est pas comparable parce que le cheminement n'est pas le même, que c'est pas le même médium, que tout ça. J'entends ce que tu dis et je suis assez d'accord pour dire que Joker peut être le début d'une nouvelle ère entre guillemets, mais en fait il est tellement détaché du reste et puis il est tellement en dehors de tout circuit super-héroïque. T'aurais pas mis Batman, encore une fois, t'aurais pas mis Batman dans le enfin Bruce Wayne dans le film, ça aurait pu être l'histoire de n'importe qui, quel autre pauvre type, voilà. Donc il se détache tellement que je ne suis pas en mesure, déjà je suis très mauvais en prédiction, et que vraiment je suis pas en mesure de dire si on entre dans une nouvelle ère ou pas, parce que ça m'étonnerait que Marvel suive, et mine de rien Marvel ça reste la pierre angulaire au niveau des super-héros de divertissement au cinéma actuellement. Donc c'est pas sur le côté prédictif en fait, c'est sur le côté l'impression que ça m'a fait, la claque dans la gueule que ça m'a fait en fait. Oui, par contre, effectivement, alors des films sérieux de super-héros, il y en a déjà eu, notamment avec The Dark Knight, mettons, pris au pif, et Logan, mais à ce point-là, je te rejoins totalement, dans le propos et dans les sujets qu'il aborde, on n'a jamais vu aussi sombre et aussi trash, en fait. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Après, pour le reste, je sais pas, on verra, mais voilà. Pour le reste, voilà. Exactement. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Absolument. Non, alors moi je suis assez d'accord avec Valentin sur un point où on avait déjà un peu abordé au fil du truc, mais en fait le thème du super-héros, enfin de l'univers super-héroïque, c'est plutôt un super-vilain, mais on parle de super-héros depuis le début, il y aura bien un mec qui va nous dire « Oui, mais non, c'est pas un super-héros, c'est un super-vilain. » Bon, en vrai, on s'en bat les couilles, il va te faire foutre, Jean Wikipédia. en fait, c'est le thème du super-héros, il est totalement prétexte dans Joker. Ça pourrait très bien être effectivement un drame social avec n'importe quel psychopathe, par exemple Marcel Campion qui habiterait à Clichy-sous-Bois. Par exemple. Par exemple. La référence est dans le cinéma de Valentin. Voilà, il faut aller voir cette vidéo. Par exemple, mais je pense que le film pourrait fonctionner en fait sans l'aspect super-héroïque. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un aspect super-héroïque? C'est juste un mec qui se déguise, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a pas de super pouvoir, il y a pas de super gadget, il y a pas de voilà, l'univers super-héroïque, il est assez éloigné quand même dans Joker. Il y a pas encore les bad gadgets et puis le gaz hilarant et puis tout ça. Donc ça reste un prétexte. Je me rends compte que je me contredis déjà avec ce que je dis dans le cinémini un peu. et en même temps c'est vrai. Et puis il y a tu peux retrouver un peu un aspect super héroïque aussi dans ce film là et je vais dire ça tout en étant d'accord avec moi-même sur le fait que ce n'est pas du tout un film super héroïque, comme quoi je suis quelqu'un de très ambigu. Mais mine de rien, tu prends un film comme Spider-Man par exemple, The Dark Knight, typiquement. The Dark Knight, au début de The Dark Knight, tu as donc Batman qui est là depuis quelques mois maintenant, ou quelques années, je ne sais plus, qui combat le crime, et du coup il commence à faire des émules avec plein de gens qui veulent se déguiser en Batman et tout ça. Et en fait, il y a un peu le même parcours avec le Joker où le Joker, il bute un mec, il est déguisé en clown et là, il commence à faire des adeptes et des gens qui commencent à se déguiser en clown pour dire bah non, moi, comme ce gars-là, je suis pas d'accord, je suis contre ces gens qui nous oppriment, à bas les riches, voilà. Et en fait, t'as un peu le même parcours super héroïque en mode bah on te construit un personnage qui se crée une identité secrète, qui se crée un costume et tout ça, et des gens derrière qui vont suivre ce mec là. Et donc il y a un peu cette dimension là de super héros si on veut la chercher, mais je suis complètement d'accord avec toi, le film est loin, très loin des standards super héroïques, et c'est pas la base, et c'est pas l'âme profonde du film, c'est pas ça, c'est pas les super héros. Je suis d'accord aussi sur le fait, tu vois, ça m'est venu pendant le film et tu en parles, donc ça me revient. Ça rejoint aussi un peu l'idée dans Batman, c'est un truc qui est très présent dans Batman et moins peut-être chez d'autres personnages, peut-être un peu chez Spider-Man aussi, mais bon. Selon lequel, en fait, par exemple, dans certaines versions de Batman, on t'explique que c'est Batman, en fait, qui fait venir les super-vilains. Parce que s'il y a un super-héros, il faut des super-vilains. Enfin, c'est une mécanique. Alors, dans le film, c'est pas comme ça que ça marche, mais ça reprend quand même l'idée qu'on fabrique nos propres... Alors, aussi nos propres héros, et aussi nos propres vilains, parce qu'en fait la société construit le Joker dans le film, tu vois ce que je veux dire, c'est donc il y a aussi et cette le Joker idée construit Batman, c'est ça, voilà, donc oui non mais complètement, c'est la suite logique si on peut dire, donc il y a ça rejoint quand même cette idée qui est très typique des comics, donc ça c'est effectivement dans le film, mais une fois encore la société construit dans la vraie vie des gens extrêmement dangereux qui ne sont pas pour autant costumés ou qui ne sautent pas de toit en toit, donc c'est pas non plus indispensable à l'univers super-héroïque, je pense. Et en l'occurrence, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, il est pas costumé. Enfin, c'est-à-dire qu'il est en tenue de travail. C'est là, pas de bol, il est clown, donc au moment où il revient du boulot, il est habillé en clown, et donc quand il se fait agresser et qu'il se défend, qu'il tue les mecs, et ben il le fait en tenue de travail, donc c'est un clown. S'il avait été électricien, on aurait dit bah c'est un mec en bleu de travail qui a tué des gens. Là bah c'est un clown. Oui quoi. Mais enfin, à, c'est aussi simple à la fin ça. Du il film. Pas, il... À la fin du film, il se met quand même en clown pour aller chez le pour passer à la télé, alors qu'il est pas obligé de le faire. Mais c'est lui en fait, c'est ce qu'il a toujours voulu être. Au moment où c'est son gros moment, où il va pouvoir passer à la télé et enfin se dévoiler, se révéler, il se réalise pleinement et il devient ce qu'il a toujours voulu être en fait. Et donc juste un clown. Et je suis pas certain qu'il y ait une totale préméditation en fait de ce moment-là. C'est vraiment une fête qui tourne mal le truc à la télé quoi. Il a vu qu'on se foutait de sa gueule, il y va quand même parce que c'est son rêve de gosse qui se réalise. Il y a pas de préméditation puisqu'il veut se foutre en l'air de base en fait. Donc effectivement, il tue De Niro sur le moment, mais il l'a pas réfléchi avant. Enfin, en tout cas, le film ne le montre pas comme ça en tout cas. Du coup, tu vois, pour moi, il est pas grimé pour être ça en fait. Il est dans sa tenue de scène, dans ce qui est lui-même et ce qui lui permet d'exister. T'imagines s'il avait été danseuse au Lido, il y aurait eu plein de mecs habillés en danseuse qui faisaient des émeutes dans, c'est quoi cette ville d'ailleurs, c'est Boston, c'est Chicago, c'est quoi, on sait? Bah, c'est Gotham. Gotham City. Non mais d'accord, mais dans le tournage, dans les arrêts, oui. Conneries. Non, je j'ai pas regardé, mais je pense que sur si tu vas voir la fiche du film, je pense qu'on dira sur Wikipédia, les lieux de tournage. C'est écrit, ouais, mais j'ai oublié. Bah voilà, je te laisse faire une vidéo pour lire Wikipédia. Moi, je voulais revenir. YouTube Game est déjà plein de personnes qui font ça très bien. Je voulais, ça va, là, on est à une heure, plus personne n'écoute, c'est bon, on peut se lâcher. Moi, je voulais revenir sur l'aspect continuité. On parlait de Golden Age, Silver Age, machin. Et tu vois, c'est un des gros reproches que j'ai à faire au MCU et à Marvel. Ouh, il est anti Marvel, oh là là, là ça y est, là les mecs commencent à jeter des tomates pourries. C'est qu'en fait Marvel n'a pas. Vous eu... noterez d'ailleurs que pour une fois je dis du bien d'un film d'essai. Merci. Ouais, alors là moi du coup je peux pas, j'ai beaucoup aimé les films de Snyder, donc on ne reviendra pas là-dessus. Je sais que Valentin partage mon avis. Absolument. Merci Valentin. De rien. En fait, c'est le truc que je reprochais à Marvel, c'est de ne pas avoir eu les couilles, tu vois, de changer cette continuité classique Golden Age, Silver Age. En fait, Marvel, ils sont contentés, alors ça fait peut-être plaisir aux fans hardcore et tout, mais alors que par exemple Blade avait donné un ton très différent, parce que Blade c'était un perso secondaire, créé dans les années 70, pas du tout à la mode au moment où le film sort d'ailleurs, hein, il découle même pas d'un comics qui a du succès quoi. Ils ont sorti Blade parce qu'ils se sont dit au pire si ça marche pas, personne sait que ça vient d'un comics, ça passera tout seul, tu vois. Et c'était un peu d'ailleurs la même avec Iron Man en 2008, on l'a oublié, mais Iron Man, pourquoi Marvel Studios choisit Iron Man? Parce qu'ils se disent c'est un héros connu mais pas trop, c'est pas genre tu vois un gros personnage, si ça se plante on pourra encore faire passer la pilule. Il y a quand même cette idée-là hein, dans Iron Man en 2008 qu'il faut pas oublier. Mais bon, bref. Ce que je reproche à Marvel, c'est ça. C'est d'avoir dit, bah, on va faire les Avengers. Et bah, tu regardes les Avengers, c'est que des héros bien américains, bien blancs, machin, tu vois. Et en fait, pour voir arriver un héros black, il faut déjà attendre 15 films. Enfin, il y a le Faucon un peu avant, mais il faut, pour voir Black Panther, il faut 15 films. Comme dans les comics papier, il a fallu 15 ans de Marvel pour voir arriver, tu vois, dans les années 70, des personnages issus de la diversité ou des femmes en rôle titre. Enfin, tu vois, pourquoi Captain Marvel, ça sort 10 ans après Iron Man, alors que ça aurait pu sortir en 2010, par exemple, tu vois. Et rien, sachant que le MCU n'en a rien à battre des comics, faut arrêter de me faire chier avec la, tu vois, le côté fidèle et tout, c'est du pipeau, là, la fidélité. Pourquoi le MCU n'a pas eu, par exemple, le courage de faire dès le départ un film avec une super-héroïne? Et les mythos du genre, le public n'était pas prêt, c'est pas vrai, puisqu'en 98-99, je crois, Blade sort, et le public, et c'est le premier gros succès des années 90-2000, tu vois, et le héros est noir, et il est pas connu, et machin. Donc, Captain Marvel en 2010, ça marchait autant que Captain Marvel en 2018, on peut le parier, tu vois. Ouais, mais et les vampires, c'est cool. C'est vrai, un point pour toi. Presque autant que les chats qui mangent des gens. Mais et donc, tu vois, pour moi, il y a un petit peu de mauvaise. En fait, ce que j'aime pas dans le MCU, c'est qu'on te fait croire que c'est super avant-gardiste. Regardez, on met des femmes, des noirs, des. Et en vrai, non, ils adaptent un truc. T'imagines, le message qu'il y a dans Captain Marvel ou dans Black Panther, c'est un message qui date des années 70. C'est un truc qui date d'il y a 50 piges bientôt. Donc. Que les mecs nous fassent pas croire qu'ils sont avant-gardistes en mettant des personnages comme ça en avant, alors que les comics, il y a 50 ans, avaient cette même volonté de mettre en avant des personnages issus de minorités ou de parties de la population qu'on n'a pas l'habitude de voir en premier rôle. Ils ne font que recycler un truc qui date d'il y a 50 piges. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours gavé quand les gens te font croire que oh là là, Captain Marvel, c'est vraiment innovant de mettre une femme en rôle-titre. Mais je veux dire, dans Alien, Sigourney Weaver, personne ne doute que Sigourney Weaver soit l'héroïne d'Alien et personne ne te dit bah, c'est pas crédible, tu vois, c'est un film qui passe tout seul et pourtant le film, la promo du film, elle est pas basée là-dessus. Donc, et Samuel Aran dans les jeux vidéo en mais 86, voilà, non, mais dans le premier Metroid. Il y a une liste interminable, donc où Sarah Connor dans Terminator, on a parlé de Terminator l'autre jour, enfin bref, il y a une liste interminable de persos féminins interminables. Bien sûr, il y en a moins que les hommes, on est d'accord, il y a bien plus de blockbusters avec des gros mecs baraqués dans les années 80, mais entre dire. Ah, t'imagines, on nous fait Expendable en femme, et c'est que des vieilles femmes qui se bagarrent comme ça, ce serait un scandale! Ça serait nickel! Moi, j'adore. Moi, je paye pour voir ça, y a pas de soucis. Des mamies bien hardcore, tu vois, en mode bagarre, je signe tout de suite, quoi. Et donc, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est le côté Captain Marvel. Ok, moi, je trouve ça très bien, hein, je veux dire, s'il y a des petites filles qui peuvent s'identifier à Captain Marvel, qui trouvent ça cool d'avoir une héroïne au premier plan et tout, je suis totalement pour ça. Mais qu'on me fasse pas croire que c'est une nouveauté. Je veux dire, c'est une héroïne qu'on met sur le devant de la scène. Et Marvel aurait pu le faire bien avant s'ils avaient voulu justement prendre des positions dès le départ. Il y a quand même eu une grosse assise. Là, je suis en mode CNews. Là, tu peux plus m'arrêter. Ouais, oui, bah, c'est surtout que tout ce laïus par rapport au Joker, j'attends la chute en fait. C'est vrai. Et alors, attends, parce que justement, coup, on va y arriver. On va y arriver. On parlait de l'avenir. Est-ce que le Joker est un tournant? Et ben justement, on va le voir aussi avec Marvel, parce que c'est ce que dit Valentin. Marvel, c'est quand même la grosse machine, et je pense pas qu'ils vont d'un coup se mettre à mettre en scène des persos, tu vois, qui pètent des crânes le long des murs. C'est quand même assez peu probable. Par contre, on sait qu'il y a par exemple les adaptations des comics Valiant qui vont arriver bientôt. Alors, est-ce que quand ils vont sortir Bloodshot, ils vont nous la sortir en mode un truc, tu vois, la sauce Marvel avec un perso, bon, un peu badass mais pas trop, et un peu violent mais pas trop. C'est Vin Diesel, non ? C'est Vin Diesel, ouais. Ouais, super. Alors, je rigole pas, j'aime beaucoup Vin Diesel quand il fait dans le cinéma un peu plus indé, par exemple dans Riddick, et il est très impliqué dans la trilogie Riddick. Dans Pitch Black, oui, mais pas dans Riddick. Ouais, pas forcément. J'ai pas vu le troisième, mais les chroniques de Riddick, il est fun quand même. J'ai préféré. Ouais, les chroniques de Riddick, ouais. Je parle dans son investissement, hein, au cinéma un peu indé, etc. C'est quelqu'un qui a plutôt une bonne mentalité là-dessus, en fait. Mais bon, bref, peu importe, on va pas s'étaler en plus là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que, pour le coup, ils montreront de l'inadapté social et qu'ils joueront sur ce côté-là du personnage. Alors que, s'ils nous font un gros blockbuster, que ça sert à rentrer de la thune et que derrière, ça peut nous faire un Harbinger qui pousse un peu le côté associable adolescent derrière, je signe, hein, je suis chaud. Complètement. C'est pour ça que c'est peut-être pas chez Marvel qu'il faudra chercher cet avenir-là, mais peut-être effectivement les adaptations Valiant, où on verra peut-être, bah, effectivement, oui, des persos avec pourquoi pas un peu plus de profondeur et peut-être un peu moins de divertissement gratos en mode lolilol, je fais une blague toutes les 5 minutes. Non, mais mine de rien, ça vous. Pardon. Pardon, voilà. Ouais, non, mais c'est malin d'avoir fait un film sur le Joker et d'avoir appelé ça Joker, tout ça, sachant que c'est sachant que ça tombe bien, c'est un film sur le Joker, c'est vrai. Sachant que c'est un super vilain, en fait, parce que, en fait. Marvel, de toute manière, aura une grosse, grosse pilule à faire passer si la firme veut se diriger dans cette direction-là. Et déjà, pour l'expliquer au public, c'est-à-dire de mettre un super-héros et de faire un truc un peu plus sombre et dans la continuité ou non, d'ailleurs. Mais au moins, avec Joker, c'est établi que c'est pas gentil, c'est pas un truc gentil. Tandis que Marvel, pour le coup, c'est familial et donc c'est pour tout le monde. Et réorienter son public dans une autre direction qui est plus sombre, c'est pas franchement évident. Sauf que, enfin, pour le coup, DC avait pas ce problème-là puisque son univers, de toute manière, est assez sombre depuis les Batman de Nolan et après même son DC Universe. Et coup de bol, le DC Universe ne fonctionne pas et tout le monde s'en branle. Donc, du coup, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et c'est plutôt malin d'avoir choisi le Joker plutôt qu'un super-héros, en fait. Enfin, bref, tout ça pour dire que Marvel, je pense, aurait beaucoup de mal à faire dans le politiquement incorrect, on va dire. Là où on peut peut-être attendre Marvel, c'est peut-être dans les séries, par exemple avec Moon Knight. Tu vois, ils promettent une série Moon Knight sur la plateforme Disney+. Alors, il faut pas rêver, hein. Plateforme Disney+, effectivement, on sera pas au niveau du Joker, mais est-ce que le personnage sera aussi creusé que peut l'être Moon Knight? Tu vois, ça peut être une porte d'entrée soft, on va dire, pour Marvel, pour aller vers des persos peut-être un petit peu moins lisses et un peu moins brillants, mais j'y crois très très très moyennement. Je réponds à tout le monde. Le MCU est quelque chose de rigolo, nous disait Valentin, et donc ils peuvent pas se permettre de faire des trucs dark. Et ben, je vous invite à voir le premier film qui a été produit par le MCU, puisque juste avant Iron Man, ils ont produit un film qui s'appelle Man-Thing et qui est un film d'horreur sur cette créature chose, leur adaptation à eux de la créature du marais, et qui est un film d'horreur d'assez piètre qualité, ce qu'on appellera une série B, dans lequel il y a beaucoup de violence, des gros mots et des plans sur des nichons, et donc c'est pas tout à fait le canon du film familial. Et puis sinon, bah, je trouvais que moi DC sont quand même, pour nous ramener un peu sur le film, c'est une période pour nous ramener sur le film, bah, je trouve que dans Joker on est quand même progressiste, parce qu'on adapte quelqu'un qui est un malade mental inadapté social, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les films Marvel, dis donc. Et comme ça, on peut revenir sur le film Joker. Voilà, c'est cool. Je peux lancer un truc? Vas-y. Il y a quelque chose dans le Ciné Minute Valentin qui est une très bonne émission que je vous conseille de voir. D'ailleurs, le lien est dans la description. Et moi, je ne l'ai pas eu, cette référence. Du coup, peut-être que tu peux nous expliquer, Val, parce que moi, je vois le lien entre Joker et le Joker de Heath Ledger dans le film de Christopher Nolan. Par contre, tu fais un lien avec le Joker de Tim Burton, ouais. Et je l'ai pas, en fait. Bah, c'est sur les origines de Batman et du Joker. Quand Batman dit à la fin du Batman de Tim Burton, tu m'as créé, enfin si j'existe c'est parce que toi tu m'as créé, et en fait c'est toute l'idée du qui a créé qui en premier. Que Joker, le film fait pareil à la fin. À la fin, t'as le Joker qui regarde sa psy et qui dit « Non, mais je pense à une vanne super drôle. » Et en fait, on voit le plan de Bruce Wayne sur ses parents qui pleurent, ses parents, qui est exactement le même plan qu'au début du film, avec le Joker qui est dans la rue avec sa pancarte brisée. Et c'est en mode « Bah voilà, j'ai créé Batman, quoi. » Et le Batman de Tim Burton fait exactement ce même parallèle, en fait. Yes. Ok. Est-ce qu'avant de conclure, vous avez éventuellement quelque chose à rajouter, quelque chose de personnel, quelque chose qui vous a touché dans ce film, un truc vraiment vous voulez rajouter? Ouais, moi je sais pas si je l'ai dit, je vous l'ai dit en off, je sais plus si je l'ai dit en on. Au pire, bah ça fera une redite. j'aime beaucoup Batman, et puis depuis que je lis des comics de Batman, je me disais mais c'est quand même le truc qui tient pas la route, c'est pourquoi est-ce que des gros bourgeois comme les Wayne sont allés s'enterrer dans une ruelle pourrie en sortant du cinéma? Et d'abord, j'étais tout excité sur mon siège quand j'ai vu Zorro à l'affiche du cinéma pendant l'émeute. Oui. Et du coup, bah, puisqu'il y a une émeute, et bah, ils sont obligés de passer par derrière. Et puisque Wayne, c'est un gros Richard qui a fait chier les gens qui sont justement en train de faire l'émeute, et bah, y a un mec qui le reconnaît et qui lui en veut et qui va finir par aller le buter dans une ruelle. Et en fait, ils sont là parce qu'ils cherchent à sortir de l'émeute. Du coup, tout ça est très cohérent. Et ça m'a fait plaisir qu'on me trouve une explication qui permettait de justifier le fait que ces gens plein de thunes, et c'est pas péjoratif, soient dans cette ruelle dégueulasse, et c'est pas péjoratif. Ouais, il y a ça, et j'ai eu un commentaire sous mon ciné mini qui me fait penser à ce que tu m'as dit et qui est assez assez pertinent. Un mec qui disait ou une meuf, je ne sais pas, qui disait que moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait des gens qui voulaient s'allier au Joker, et grâce à ce film j'ai compris. Et effectivement, tous les sous-fifres du Joker dans les comics et tout ça, ce film-là peut leur donner une raison, et c'est plutôt cool. Mm-hmm. J'en profite pour rajouter deux trois Arrête de parler du cinémini, truc. C'est bon. Le mec vend son truc. Hein. Franchement, si vous allez pas le voir, franchement, on sera déçu. Bref. Comment. Non, sinon, regardez, pour de vrai, si vous ne l'avez pas vu, regardez La Valse des Pantins de Martin Scorsese, qui date de 82, si je dis pas de bêtises. Sachant que d'ailleurs, le film Joker se passe en 1981. Comme quoi c'est pas loin d'être méta, mais La Valse des Pantins en fait c'est la version comique et humour noir, on va dire, mais humour noir gentil quoi, de Joker. En fait Joker c'est vraiment le côté dramatique, la version dramatique de La Valse des Pantins, et c'est un super film, très drôle et grinçant, que je vous invite vraiment à voir. Et sinon il y a aussi un autre film de Scorsese, années 80 aussi, qui s'appelle After Hours, où si vous voulez un mec qui comme le Joker en fait, où ça va de plus en plus, enfin tout tourne mal, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose ça part en couille de plus en plus, vous regardez After Hours, qui est une comédie. C'est vraiment pas, il n'y a pas de propos particuliers ou quoi, c'est vraiment une comédie, mais pendant tout le film c'est une nuit où le mec, il va lui arriver couille sur couille, et à chaque fois qu'il voudra améliorer les choses, bah, ça va partir en cacahuète, pour des raisons assez absurdes ou pas d'ailleurs. After Hours, c'est vraiment sympa, voilà. Et La Valse des Pantins. Petite référence cinématographique, voilà. Merci, non, mais merci pour ces conseils cinéma, Valentin. C'est toujours, c'est pour ça que tu es là, Valentin. C'est parce que tu parles bien de cinéma et qu'on aime t'écouter parler cinéma. Sache. D'ailleurs, on voulait avoir Yanda aussi pour parler bien de l'univers DC, mais il m'a dit qu'il avait quelque chose de mieux à faire. Donc, voilà. Je peux pas compter sur eux. Bon, il est temps de conclure. Hein. Donc, Joker, un chef-d'œuvre. Il paraît que tout le monde est d'accord. Un grand film. Mais pour vous, pourquoi ? Bah. En fait, je sais pas si c'est un grand film ou un chef-d'œuvre ou tout ça, parce que j'ai pas le fameux, je vois pas dans le futur ce que vous disiez sur qu'est-ce que ça va influencer dans l'industrie cinématographique tout ça. En revanche, moi, c'est un film qui m'a vraiment touché et qui m'a vraiment intéressé et qui m'a vraiment. Je trouvais que au début, ça commence lentement, ça prend son temps et tout. Il faut quand même accepter ce parti pris là. Mais c'est pas gratuit en fait, le fait que ça prenne son temps. Et du coup voilà, moi c'est plutôt un film qui m'a secoué dans mon fort intérieur, et rien que pour ça, c'est une émotion que j'ai pas ressentie depuis longtemps au cinéma, et voilà, ça c'est bien, je suis content. Ouais, la même chose. Ça m'a remué les tripes. C'est intelligent autant dans le film lui-même que dans tous ses à côté, c'est-à-dire de prendre un univers de super-héros et d'en faire ça, de prendre le contexte social actuel et d'en faire une espèce de miroir déformé. C'est, enfin voilà, il y a du propos, il y a du sens, c'est joli, en plus c'est très bien filmé, la performance d'acteur est incroyable. C'est ah oui, on n'a pas du tout parlé de ça en fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'incroyable performance de Joaquin Phoenix. Ouais. C'est quand même hyper chaud quoi. Franchement le mec est fou, enfin dans le bon sens du terme. Il a ça, c'est un rôle travaillé quoi, enfin c'est le mec, tu sens vraiment qu'il a il est habité et puis il a pas fait que suivre une direction d'acteur quoi, tu sens qu'il a été force de proposition, comme on dit dans le monde du travail. Rejoignez le monde de l'entreprise avec Valentin. Non mais vraiment ouais, donc pour toutes ces raisons là il est exceptionnel, voilà. Moi je un chef-d'œuvre, est-ce que ça, enfin voilà, comment qualifier un film de chef-d'œuvre ou pas, moi je m'en fous, dites ce que vous voulez, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et je pense ça, par contre, qu'il fasse bouger les choses ou pas, je ne sais pas, mais au moins il aura un statut un peu culte dans les années à venir, ça j'en suis vraiment persuadé. Ouais, je suis assez d'accord. Alors le terme chef-d'œuvre, etc., tout le monde emploie ça. Après, voilà, ça c'est un peu compliqué à juger, surtout là, à deux jours de la sortie. Exactement. Officielle. Par contre, c'est clairement un film de qualité. Je pense que ça, on peut le dire. Et notamment, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que chacun, c'est un film qui a vraiment un message. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que chacun peut y percevoir un message un peu différent selon ses tendances, ses opinions, etc. Et il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des tas de messages à voir. Il y a des tas de références aussi, effectivement, à d'autres films et à l'univers des comics, même si tout ça est toujours très bien amené. Donc, c'est jamais forcé, c'est jamais malaisant, pour réutiliser ce mot. donc voilà. En tout cas, pour moi, c'était une vraie bonne surprise parce que j'en attendais rien et j'ai passé un très bon moment devant un film qui, effectivement, m'a poussé à la réflexion, et je pense que c'est un truc assez rare pour être signalé. Je l'ai vu voilà, au ciné un soir. Je suis rentré chez WAM. Enfin, j'avais pas envie d'aller dormir, tu vois, à ce moment-là. J'avais envie de parler du film. De baiser, j'avais non envie d'extérioriser. Oui, de baiser aussi, mais ça fait 8 mois. Et j'avais envie d'extérioriser un peu ce que j'avais vu, de pouvoir en parler et tout. Enfin, je me sentais pas de. J'étais pas serein, quoi. Je me sentais pas d'aller me coucher là, tranquille, de dire, ah bah tiens, je suis allé au cinéma. Ça m'a pas fait pareil quand j'ai vu Gemini Man, par exemple. Et du coup, ouais, c'est un vrai. Il y a quelque chose d'intime, en fait, de touchant, mais au sens propre. Je suis d'accord. Moi, ça m'a pas fait pareil pour plein de films parce qu'en fait, j'ai dormi pendant le film. Donc, c'est vrai que quand je suis rentré, j'avais pas envie de me coucher parce que j'avais bien dormi pendant le film. Ça, c'est parce que je vieillis. Maintenant, je dors au ciné. C'est hyper chiant. Merci à vous deux d'avoir été là. Ça m'a fait grave plaisir de vous avoir tous les deux pour parler d'un film, tu vois, parce que vous êtes genre mes références, quoi, tu vois. J'étais trop content de pouvoir faire un truc avec vous deux, surtout sur un aussi bon film, parce qu'on aurait fait ça sur un film de merde. Ça aurait été sûrement plus rigolo, mais moins intéressant. Valentin, où est-ce qu'on te retrouve? Dis-nous tout. Voilà, donc on me retrouve. On peut encore parler du ciné mini une 25e fois. J'ai fait toujours la main dans le caleçon, donc on peut y aller, hein, y a pas de souci. Mais oui, donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube V pour Valentin. Et puis, bah, c'est tout. Après, vous pouvez me retrouver quelque part en France, voilà, dans une ville bretonne. Mais sinon, non, je suis sur ma chaîne, je fais mes trucs à un rythme très très irrégulier, donc. Voilà, que dire d'autre. Mais tu le fais bien, et c'est ça. Bah, merci, c'est bien gentil. Je tenais à le dire. Voilà, on se suce un peu mutuellement. Ah oui, aussi, quand mais, même. Mais tu as bon goût un petit peu. Ben oui, c'est vrai, je sais. Matt, où est-ce qu'on te retrouve à part au PMU chez Didier, rue, non, pas du tout. Bah moi, il faut passer IRL pour me retrouver. En fait, je serai du côté du Mans à Arnage à un festival qui s'appelle Bénémania. C'est le 7 décembre et je fais venir Fred Famchouang, qui est le dessinateur de la dernière BD de Paul Jenkins qui s'appelle Boulevard des Monstres et qui est sorti chez les Humanoïdes Associés. Je fais venir Marvel, mon pote Marvel de la chaîne Les Chroniques de Marvel, et je fais venir Sullivan Rouault, qui est le fondateur de Comics Blog et qui aujourd'hui est l'éditeur des Tortues Ninja et de Rick et Morty pour iComics. Et on vous fait une grosse journée avec des dédicaces, des ateliers pour les enfants, des conférences sur les comics, sur les Tortues Ninja, sur des trucs d'initiation et tout. Donc ça, c'est le 7 décembre à BD Mania à Arnage. Et sinon, bah, le premier week-end de février, deuxième saison de Geek Life, le salon pop culture que j'ai le plaisir de co-organiser. D'ailleurs, si je peux placer un petit peu de pub, je tenais à vous annoncer que le mercredi 16 octobre, à partir de 21h, on fait un live pour annoncer les premiers invités du salon. Voilà. Bah merci, dis donc, avec tout ça, ça nous fait des sorties à faire, hein. Il va falloir préparer. Par contre, c'est en Sarthe, je vous préviens, il faut venir au banc. Ouais, c'était quand même un gros point négatif, mais enfin bon, bref. Pour ma part, bah moi, vous me retrouverez sûrement à la Comic-Con Paris, normalement, c'est prévu, hein, si je suis toujours vivant d'ici là. T'as une conférence, non? Il y a une animation, il paraît que j'ai une petite conférence. Normalement, et je peux balancer ça en exclu, ça sera samedi. Samedi à 14h30, il y aura une petite conférence sur la déconstruction du mythe super-héroïque. Donc tu vois, on est un peu dans le thème Joker, Watchmen, le Dark Age, tout ça. On est en plein dedans, donc ça tombe bien. Dis donc, qu'est-ce que j'ai bien choisi. Voilà. Donc c'est la samedi... conférence que j'ai refusée à Geek Life, non? C'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Ouais. Ouais, bah écoute, voilà, tout le monde n'est pas aussi difficile que toi. Le samedi à la Comic Con Paris, 14h30 pour une petite conférence. Puis on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos commentaires, pour vos pouces bleus, pour tout ce que vous allez faire, pour vos partages. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et puis en attendant, bah, n'oubliez pas d'aller voir Joker au cinéma si c'est pas encore fait. Non? Je sais pas, tu veux réagir ou c'est quoi là? On se fait engueuler quand on réagit. Vous auriez pu dire oui tout sans cœur, mais bon, c'est pas très grave. Eh ben oui, absolument. Oui. Ah, merci. Merci. Allez, à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Salut.